dans ma vie, tout est fini. Il fait rien d'autre de la journée que de tourner. À cause de lui, ma muse est partie pour toute la vie. Ça va finir en tragédie. Maurice, tu pousses le bouchon un peu loin. Maurice, je n'aimerais pas en venir aux mains. Maurice, tu pousses le bouchon un peu loin. Maurice, je n'aimerais pas en venir aux mains. J'ai pourtant voulu le noyer en le laissant 3 heures sous l'eau. Oh, c'est trop. Il n'arrêtait pas de tourner pour me narguer. Et dans un mouvement d'humeur et qui me surprend encore, j'ai tiré la chasse d'eau. Boris! We'll be right back.